donnez-moi votre vote. Vous seul dans l'isoloir, je serai votre despote. Accordez-moi le pouvoir. Par deux fois installé, vous pouvez bien crever. Depuis le temps qu'il est calé dans le fauteuil de l'Élysée, l'opposition était son créneau. Contre tout abus, toute injustice, ballot, prolo et même socialo, croyait en lui, en son civisme. Grande fut la surprise quand tous successifs lendemains, promettant la fin de la crise, les estomacs remplis des crèves la faim. Dignité, dignité, chérie. Dignité, dignité, chérie. Dignité. Vous pouvez toujours vous plaindre, vous pouvez toujours voter. Le pouvoir ne peut s'éteindre puisque vous lui avez donné. Quel que soit le discours, quel que soit le jugement du procès, le dialogue tournera court. On minimisera les méfaits de ceux qui, au nom d'un vote, détiennent aujourd'hui le pouvoir, l'utilisent jusqu'à l'overdose. La justice reste sans espoir, laissez les croyances au placard, les espérances devenues dérisoires. Les bandits aujourd'hui sont à l'affiche, les voyous, leurs voisins s'enrichissent. Dignité, dignité.